Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission enregistrée en différé. Cette nouvelle émission accueille cependant quelques petites nouveautés, zéro délicates en fait, on rentre que de l'extrême. Cruelty, Divangelic, Torsofuck, Catacombe, etc. etc. Voilà, plein de très bonnes choses encore à s'écouter ensemble ce soir. On attaque tout de suite avec du coup une première doublette forcément très violente. Rotten Sound, le groupe de grindcore qui nous vient du Grand Nord scandinave, qui nous sort là son nouvel effort studio. On est sur le 8e album, il vient de sortir chez 69 Mist. Voilà, la formation de grindcore finlandaise accuse 30 ans d'existence. Voilà, c'est radical, l'album est plutôt court, hein, une vingtaine de minutes. C'est de la violence à l'état brut, hein. L'album s'intitule d'ailleurs fort justement Apocalypse. Et en doublette avec Rotten Sand, on ralentit pas franchement, puisqu'on passe au japonais de Cruelty, qu'on aura l'occasion de voir par chez nous dans pas très longtemps, le 12 avril, au Temps Machine. Cruelty, donc voilà, ça nous vient de Tokyo, actif depuis 6 ans seulement, ils sortent là leur second album. Au passage, ils se font un petit up en signant chez Profound Lore Records. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la musique de Cruelty ? Un 7 titres, environ 4 à 6 minutes pour chaque compo. Et toujours ce gros cocktail death metal, hardcore et même doomisant. Donc voilà, c'est brutal, c'est groovy et des fois, c'est juste bien écrasant. Equality Sharing, la doublette de Rotten Sound, Cruelty Harder Than Before, extrait de l'album Untopia. C'est parti et bienvenue dans l'émission. We are the same. Kill most of us. I have been with the gods. Doublé de suivante, on change d'ambiance, mais on reste toujours dans la violence, avec eh bien, une autre nouveauté, Dawn Raid. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette formation qu'on vous diffuse bah, pour la première fois? C'est du black, ça nous vient d'Angleterre, plus précisément de Liverpool. On est sur une formation donc active depuis 2015, qui sort là son troisième album studio, également chez Prosthetic Records. Bah, je dis également parce qu'on s'écoutera un autre groupe de chez Prosthetic un peu plus tard dans l'émission. C'est vraiment très intéressant la musique que nous propose Dawn Raid. On est sur quelque chose de black, tendance folk, avec des alternances frontales et vraiment colériques, avec des passages plus mélodiques. Voilà, le vocaliste utilise même parfois des nappes de chant clean. Un petit violon par-ci par-là, et puis un petit peu de clavier. Musicalement, on peut rapprocher ça par exemple d'un groupe comme Walls in the Throne Room, Winterfields ou Saor, de manière un peu moins épique cependant. À noter que le groupe est engagé sur les thématiques de l'antifascisme et de la lutte des classes. Voilà, engagé textuellement et vraiment très intéressant musicalement. Et en doublette avec Dawn Raid, on va s'écouter Judiciary, le groupe de très très très bon metal hardcore venu du Texas. Une signature chez Close Casquette. Une trentaine de minutes pour 10 morceaux, une espèce de thrash hardcore ultra vénère. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Eh ben, place à la musique Dawn Raid, The Battle of Sudden Flames, extrait de l'album To Know the Light. Judiciary ensuite, Stare into the Sun, extrait de l'album Flesh plus Blood. Et c'est parti. Fire! Et ben on ralentit toujours pas hein, au niveau délicatesse, hein, on passe à encore une nouveauté d'Evangelique, excellent groupe de Brutal Death qui nous vient de Rome en Italie, quatrième effort studio en une dizaine d'années d'existence, une sortie de nouveau chez Willowtip Records. Ça rigole zéro, cependant on a quelques intégrations de passages un peu plus mid-tempo, lourdingue, bien écrasant. Voilà les mecs, bon, une sacrée maîtrise technique derrière, hein, Paolo Chitti derrière le micro, qui a rejoint récemment Anthropophagus et ex-vocaliste de Putridity. Ça pose sérieusement le niveau, la musique de Divangelique, ce sont les fortunes, s'intitule le Xoul, c'est d'ailleurs une avant-première puisqu'il ne sortira que le 7 février. Et en doublette avec Divangelique, on retrouve Hellcrash. Une doublette italienne pour le coup, puisque Hellcrash nous vient également d'Italie. Logique. On est sur un Blackned Speed Trash formé en 2013, il y a une dizaine d'années, une signature Dying Victims. C'est leur second album studio, c'est ultra inspiré par les vieux Motorhead, Venom et autres Bulldozer, hein, la formation italienne également. Donc voilà, un trio infernal qui joue à fond de cale, c'est trou, c'est ultra old school, c'est sans concession, les artworks sont absolument dégueulasses, c'est parfaitement parfait. Divangelique, Sirius Draconis, Crappy Cronus, Hellcrash, Grave Reaper, extrait de l'album Demonic Assassination, c'est parti. Let's go. Vous êtes toujours bien à l'écoute d'Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Et on est toujours sur une tendance d'émission extrêmement extrême, puisque doublette suivante, Zulu, récente formation de punk hardcore, power violence, grindess, ultra cool. Voilà, ça nous vient de Californie, une formation afro-américaine chargée de revendications et de symboliques. C'est hyper efficace, hein, ce premier album studio fait suite à deux premiers EP. Le tout est rehaussé de samples qui relatent vraiment la culture musicale des icos de Zulu. On a du hip-hop, de la soul, du reggae. C'est un peu déconcertant par moment, mais putain qu'est-ce que ça tabasse. Et en doublette avec Zulu, une formation qui nous vient de Hollande, Alifron. On est sur du thrash death à la sauce old school, qui réunit notamment l'actuel batteur de God Dethrone et deux anciens membres d'Isegrim, notamment la vocaliste. Une sortie chez Listenable Records au passage. On est sur un... Alors oui, je parlais de Thrash Death, non, je parlais d'Isegrim, la formation. Mais là, on est plus sur un Death Blackened symphonique assez grandiose, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs Dimmbrugger au Cradle of Filth. Voilà, c'est épique et c'est plutôt bien foutu, la musique que nous proposent les Hollandais. Zulu, une petite doublette, Our Day is Now, enchaîné à From the Gods to Earth, extrait de l'album A New Tomorrow, Alifron, Unidentified Mass, extrait de l'album Prey. C'est parti. Yeah! Yeah! Oh, yeah. Allez, c'est bon, vous pouvez prendre sa première petite inspiration-respiration avec la doublette suivante. Et tout d'abord, Gatekeeper, on est sur du Heavy Epic qui nous vient du Canada, actif depuis une bonne douzaine d'années. Ils sortent là leur second album studio. On est donc sur un Heavy Epic à la sauce Neo Revival, hein, et Eternal Champions, Visigoth, etc. etc. C'est tubesque dans les refrains, et puis putain, c'est épique à souhait, hein, c'est dynamique et légendaire à la fois. Et après Gatekeeper, on replonge dans les ténèbres avec Afsky, une formation de black metal qui nous vient de Copenhague, du Danemark. Donc de base, c'est un one-man band. Mais actuellement, le groupe ouvre pour la tournée européenne de UADA. Voilà, donc line-up live de session. La fatigue de session. Afsky, qu'est-ce qu'on peut dire? On est sur un black froid et rageur, avec des tendances atmosphériques qui vont même chatouiller du côté du DSBM, notamment sur la partie plutôt mélancolique et lancinante. Des textes chantés en danois, ce qui rehausse un petit peu la rigueur et la froideur brutale de la musique de Afsky. Les titres font 6 à 7 minutes. Voilà, c'est bien travaillé, bien composé, et ça chatouille même un petit peu avec de l'épique black pour bien présenter la formation. Gatekeeper, tout d'abord, Nomads, extrait d'album From Western Shores, sorti Cruz del Sur Music. Afsky, Dead That Fire, extrait de l'album Home Under Air. Et oui, je vous parle toujours aussi bien le danois. Warrior tribe to death, so long. Allez, ouvre, toujours à l'écoute d'Elmanger, c'est l'heure d'attaquer l'aspect française avec un temps, j'avoue que j'ai pas le timing, consacré uniquement à des formations venues de l'Hexagone, et on rentre à grands coups de tête dedans, parce qu'on a tout d'abord le Technical Progressive Death de Gorod, la formation bordelaise, nous sort un nouvel effort studio, toujours ultra quali, ultra classe, avec une petite cover des Doors en clôture de l'album. 8 titres, toujours ce death tech à la fois frontal et jazzy en même temps, hein, c'est très très très reconnaissable la musique de Gorod. Et en doublette avec les Bordelais, nous aurons les Rennais de Fange, le groupe actif depuis pile 10 ans. Voilà, vient de démouler un nouvel effort studio, son 5e album. Une évolution encore musicalement parlant, parce que là on est plus sur du death metal, metal indus, un peu sludgy même. Donc on est loin du sludge un peu noise. On a même des influences post-punk, cold wave, voilà, qui rajoutent un ensemble très très mécanique à la musique de Fange. A noter l'intégration d'un second guitariste tout récemment. Gorod Victory, extrait de l'album The Orb. Fange Enfant Inoculé, extrait de l'album Privation.